إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إنه إذا كان في الناس ما تحمله الاغترار بالحياة الدنيا والإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى والجهل بصحيح الاعتقاد إلى الخوف من كل ما يعده خطرا يدهمه أو شرا ينزل بساحته أو عائقا يقوم دون بلوغ آماله والظفر بحاجته فإن من عباد الله من يسلك الجادة ويمشي سويا على صراط مستقيم مجانبا سبل أهل الحيرة والتذبذب حائدا عن طريق أهل الشك وضعف اليقين إنهم الذين يسيرون إلى الله سير من عرف ربه فأقبل إليه لا يخاف أحدا سواه ولا يرجو إلا إياه إنهم الذين علموا أن منزلة الخوف هي من أجل منازل العابدين ربهم المستعينين به وأنفعها للقلب وأعظمها آثارا على حياة الخلق في العاجلة والآجلة وأنها فرض على كل بني آدم كما دل على ذلك قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقول الله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشوني وكما أثنى سبحانه بجميع الثناء على أهل هذا الخوف ومدحهم بقوله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ذلك أنهم كما قال الحسن رحمه الله عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إحسانا وخشية وإن المنافق جمع إساءة وأمنا أي من العقوبة وأثنى الله تعالى بهذه الصفة وأثنى سبحانه بهذه الصفة باتصاف الملائكة المقربين بهذه الصفة فقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وأثنى على النبيين عليهم الصلاة والسلام حيث امتدحهم لاتصافهم بهذه الصفة بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ولما كانت الخشية خوفا مقرونا بمعرفة وعلم فإنه على قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الخلق خوفا من ربه وأعظمهم خشية له، كما صرح بذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي لفظ لمسلم في صحيحه: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقيه. وقال أيضا: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى السعودات تجرؤون إلى الله. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه بإسناد حسن. ولذلك أيضا وصف الله تعالى العلماء سبحانه بأنهم الذين يخشون الله حقا، فقال سبحانه: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. لقد نشأت هذه الخشية من علمهم أنه سبحانه مالك الكون، مالك الكون كله، له مقاليد السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله، وأنه المدبر لأمور المخلوقات كلها، وأنه الحي الذي لا يموت، القيوم الذي تقوم الخلائق كلها به وتفتقر إليه، بخلاف غيره فهو عاجز فان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الخلق جميعا وسائط لإيصال ما كتبه الله وقدره من أقدار، كما جاء بيان ذلك ضافيا في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه، وهذا لفظه، والإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عباد الله، إن الخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لأمر آخر، وهو وسيلة وطريق، وليس غاية أو هدفا. ولذا فإنه يرتفع بارتفاع المخوف منه، ولذلك كان من حال أهل الجنة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفيها لا يحزنون فيها لزوال الخوف من العقاب وحلولهم دار المقامة والثواب فضلا من الله وإكراما منه لهم، جزاء صبرهم على طاعته وحذرهم من معصيته. ولذا كان الخوف المحمود الصادق كما قال أهل العلم هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط الذي نهى الله عنه مبينا أنه من صفات الكافرين، فقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقلب كما قال بعض أهل العلم في سيره إلى الله عز وجل هو بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح الخوف وجناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا أن يطغى جناح الرجاء على جناح الخوف، وأكمل الأحوال الاعتدال، اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالحب والمحبة هي المرتد، والرجاء حاد والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله. ألا وإن من أعظم ما تعين العناية به ورعايته حق، ورعايته بصرف الجهود إليه كما السعي لتحصيله، تربية القلب على محبة الرب سبحانه وتعالى ومخافته والرجاء ورجاء فضله بقوة الإيمان به سبحانه، بقوة الإيمان به سبحانه وتجريد توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والعلم بما أعده المتقين أو بما أعده للمتقين في دار كرامته من نعيم مقيم، وما أعده للعاصين من عقوبة وعذاب أليم، وبدوام محاسبة النفس لكدح جماحها وإقامتها على الجادة وأطرها على الحق، وحجزها عن الباطل في كل صوره وألوانه. يقول تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عباد الله، قال بعض أهل العلم: كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه، وخائف منه إليه، فإنه لا ملجأ منه سبحانه إلا إليه. والخوف منه يعقب أمنا، لأنه باعث على إخلاص العمل وإحسانه متابعة وإحسانه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه والحذر من مخالفة والحذر من المخالفة عن أمره. وجمع ذلك الحرص على كل ما يرضيه والحذر من كل أسباب سخطه، وفي هذا أمن الخائف وسلامة السالك إلى الله، ونجاة السائر إليه، والعثار والفوز عنده بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce qui nous affecte en ce moment comme difficulté et comme restriction et comme complication due à cette pandémie qui a lieu en ce moment dans le monde entier, que Allah subhanahu wa ta'ala nous libère et nous délivre de cette épreuve qui est tombée sur nous. Parce qu'il n'y a pas de doute qu'il y a dans ça beaucoup de limitations et que ça nous affecte, même dans notre religion. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ses serviteurs et qu'il nous délivre de ce malheur. Serviteur d'Allah, il est important pour le croyant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration d'Allah est la raison même de son existence, la raison même pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour qu'on s'amuse. Il ne nous a pas créés par amusement non plus. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Il n'a pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux comme un jeu ou un divertissement ou un amusement. Et il dit également, ayahsabu al-insan an yukhlaqa suda. Soudan, est-ce que l'être humain pense qu'on l'a créé comme ça pour rien, sans raison, sans qu'il ait des obligations, des responsabilités, des devoirs? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a expliqué que يَعْبُدُونَ, ça signifie يُوَحِّدُونَ, c'est-à-dire qu'ils m'unifient dans leur adoration, en n'associant rien avec moi dans leur adoration et en purifiant toute leur adoration pour moi seul. Parmi les plus grandes formes d'adoration, il y a des adorations que nous, parfois, on néglige ou qu'on oublie. Et on donne parfois de l'importance à certaines adorations, plus qu'à d'autres, parfois en négligeant que les adorations qui sont souvent les plus importantes ne sont pas nécessairement les plus visibles. Et comme exemple de ça, on donne tous de l'importance, par exemple, à la salat. Et il n'y a pas de doute que c'est une adoration parmi les plus importantes. C'est même le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Et cette adoration de la salat, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée du dessus des cieux au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam directement pendant le mi'raj. Ce qui montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala aime cette salat et ce qui montre également son importance. Donc il n'y a pas de doute que cela fait partie des plus grandes formes d'adoration. Et elle est visible, cette adoration-là, parce qu'on la voit. Mais il y a d'autres formes d'adoration aussi. Et c'est des adorations du cœur. Et ces adorations-là, elles sont en réalité le moteur pour toutes les autres formes d'adoration qui viennent et qui sont apparentes. Et parmi ces adorations-là, par exemple, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, avoir l'espoir en Allah, mettre la confiance en Allah, avoir la patience vis-à-vis d'Allah. Tout cela fait partie des adorations du cœur. Et les ulama, ils ont classifié et divisé les adorations en catégories selon leur sorte, c'est-à-dire les adorations du cœur, les adorations du corps, les adorations économiques, parce qu'elles sont basées sur le fait de donner de l'argent ou de dépenser de nos biens. Toutes ces adorations-là sont importantes, mais la source, le fondement et la base de toutes nos adorations reviennent aux adorations du cœur. Si les adorations du cœur ne sont pas présentes, eh bien, les adorations du corps ne seront pas là, ne seront pas présentes non plus, où elles seront présentes, mais elles ne seront pas faites avec l'intensité ou la sincérité ou la valeur qui est exigée d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos adorations. Et parmi les adorations importantes, il y a l'adoration de la crainte. En arabe, il y a plusieurs expressions qui renferment cette signification pour nous les musulmans. La crainte, en français on dit la peur ou la crainte, en arabe on dit al-khashiya, on dit al-khawf, on dit al-rahba. Ce sont des adorations du cœur. La crainte d'Allah, al-khawf, ou bien al-khashiya, ou bien al-rahba, sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'avoir envers lui. Et il dit dans plusieurs versets, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي فَلَا تَخْشَوَ النَّاسِ وَخْشَوْنِي. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne craignez pas les hommes, mais craignez-moi. ne les craignez pas, eux, les mushrikin, les kuffars, les munafiqin, les ennemis d'Allah, ne les craignez pas, eux. Ils essaient de vous obstruer le chemin d'Allah. Ils essaient de vous écarter du chemin d'Allah. Ils essaient de vous mettre sur le chemin du shaitan et le chemin de l'enfer. Alors qu'Allah vous appelle au chemin du paradis, au chemin de la paix. Ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyant. Et même que la crainte fait partie des conditions de la foi. Hein? فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Si, ne les craignez pas, mais craignez-moi seulement. Ne craignez personne d'autre que moi, si vous êtes croyant. Mais si vous n'êtes pas croyant, alors vous allez craindre tout ce qui existe. Hein? Celui qui ne craint pas Allah, il a peur de tout. Mais celui qui a la foi en Allah, sincère, il ne craint rien ni personne, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis que les koufars et les mushrikines, ils ont peur de leurs idoles, ils ont peur de leurs sorciers, ou de leurs prêtres, ou de leurs, hein, de tous ceux qui les rendent esclaves aux créatures dans cette dunya. Ils ont peur d'eux, comme on doit avoir peur d'Allah seulement. Cette crainte, pour le croyant, elle est fondamentale dans sa religion. Parce que c'est cette crainte qui va l'empêcher de faire ce que Allah déteste parmi les différentes désobéissances et les péchés. Et le fait qu'il ait cette crainte, hein, il va s'abstenir de désobéir à Allah et par conséquent, il va être protégé contre le châtiment d'Allah au jour de la résurrection. Sauf que il ne faut pas que cette crainte-là, elle tombe dans l'excès, ou qu'elle tombe dans l'exagération, ou dans l'extrémisme. Parce que si quelqu'un ne se concentre que sur cette adoration-là, et qu'il oublie les autres, il risque de tomber dans l'exagération et dans l'extrémisme. Et c'est pour ça que les ulama, ils mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous mentionne son châtiment dans le Coran, tout de suite après, il va nous mentionner sa récompense et sa promesse de miséricorde et son paradis. Donc, il nous donne toujours at-targhib wa at-tarhib, l'incitatif et la crainte. La peur, la crainte. La peur, la crainte. Pour que le croyant soit toujours dans l'équilibre. Pour qu'il ne tombe pas d'un côté et qu'il néglige l'autre. Parce que sinon, c'est très facile à quelqu'un de basculer. Il y a des gens qui n'adorent Allah que par la crainte. Et ils négligent l'espoir et l'amour en Allah. Et par conséquent, le jour où ils tombent dans un péché, ils perdent absolument et complètement l'espoir en Allah. Et ils deviennent des extrémistes dans le péché par la suite. Parce qu'ils se disent à eux-mêmes, puisque je suis tombé dans le péché, puisque Allah déteste le péché et qu'il va me châtier dans l'au-delà, parce que j'ai désobéi, alors dans ce cas-là, j'ai plus d'espoir. Je peux plus être sauvé, donc je vais continuer dans la voie du mal et du péché. Puisque je n'ai pas d'autre choix, je suis condamné. Alors qu'il a oublié que Allah subhanahu wa ta'ala est un Seigneur, pardonneur, miséricordieux, qui aime pardonner et qui aime les repentants. Donc il a négligé le côté de l'espoir et le côté de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a les autres, hein, par exemple ceux qui sont parmi les Khawarij à notre époque et dans le passé. C'est ça leur façon d'adorer Allah, que par la crainte. Ils connaissent pas l'espoir, ils ne connaissent pas le pardon, ils ne connaissent pas la miséricorde. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ne regardent que l'espoir. Et ils négligent complètement la crainte d'Allah. Donc ils se disent, peu importe ce que je fais, c'est pas grave. Allah, il est pardonneur. Allah, il est miséricordieux. Alors, il se laisse s'enfoncer dans le péché, dans la désobéissance, dans la négligence, dans l'insouciance, dans les passions, dans les désirs, dans tout ce qui amène l'homme à sa perdition. Et à la fin, ils disent, Allah, il va me pardonner. Allah, il va me faire miséricorde. Et ça, c'est al-ghurur min ash-shaytan. Hein? Il y a des causes pour avoir la miséricorde. Et pour avoir cette miséricorde, tu dois faire donc les causes pour l'obtenir. Et parmi ces causes-là, il y a bien entendu la repentance, il y a l'obéissance, il y a le fait de faire ce que Allah te demande. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Nabbi ibadi, anni ana al-ghafur rahim, wa anna azabi huwa al-azab al-alim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, informe mes serviteurs que je suis, hein, al-ghafur rahim, c'est-à-dire le pardonneur, le miséricordieux. Et tout de suite après, il dit, mais que mon châtiment est le châtiment douloureux. Donc tu vas pas dire, chaque fois que tu fais un péché, Allah ghafur rahim. Allah ghafur rahim. Et tu oublies qu'il est shadid al-iqab, qu'il est dur en châtiment aussi, pour que tu restes dans l'équilibre. Et ça, c'est qu'est-ce que nos salafs nous ont toujours rappelé, de rester dans l'équilibre entre la crainte et l'espoir. Et donc ça, c'est un rappel pour nous de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné à ce sujet-là, de même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était le plus pieux, celui qui avait le plus de taqwa, et celui qui avait plus de connaissances, et celui qui avait plus de crainte d'Allah. Et il l'a répété plusieurs fois, je suis celui d'entre vous qui a le plus de connaissances à propos d'Allah et le plus de crainte d'Allah. Et en même temps aussi, donc, on voit qu'il y a un lien entre le savoir et la science de la religion et la crainte d'Allah. Plus quelqu'un a de connaissances d'Allah et qu'il est sincère envers Allah, plus sa crainte va augmenter. Et il va le craindre avec science. Et c'est ça la différence entre al-khawf wal-rahba wal-khashya. Les ulama, ils ont dit al-khashya huwa al-khawf maqrunatan bil-ilm wal-ma'rifa. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ce sont seulement les savants de la religion qui craignent Allah réellement. Et celui qui ne craint pas Allah ne fait pas partie des savants. Celui qui ne s'arrête pas aux limites d'Allah ne fait pas partie des savants. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.